Donc, ce sera. Donc, ce sera par un clair jour d'été. Le grand soleil, complice de ma joie, fera, parmi le satin et la soie, plus belle encore, votre chère beauté. Le ciel tout bleu, comme une haute tente, frissonnera somptueux, à longs plis, sur nos deux fronts heureux, qu'auront pâli l'émotion du bonheur et l'attente. Et quand le soir viendra, l'air sera doux qui se jouera, caressant, dans vos voiles, et les regards paisibles des étoiles, bienveillamment, souriront aux époux.